إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, nous en sommes ce soir au chapitre 37 du livre de l'unicité de l'imam Muhammad ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Dans ce chapitre, l'auteur rahimahullah ta'ala a abordé un sujet tout aussi important que le sujet du chapitre précédent et qui est aussi lié à l'intention. Il a dit rahimahullah, chapitre, il fait partie du shirk, il fait partie du polythéisme, que l'homme recherche un bien mondain par ses œuvres, c'est-à-dire par ses œuvres de bien. Il fait donc partie du polythéisme, et ce qui est visé ici c'est le shirk asrar, le polythéisme mineur, que l'homme recherche des biens mondains à travers ses œuvres de bien, c'est-à-dire les œuvres qui doivent être accomplies pour rechercher l'au-delà. Il y a des gens qui accomplissent certaines adorations, mais qui ne recherchent à travers celles-ci qu'un objectif mondain parmi les biens vils de ce bas monde. Comme par exemple, une personne qui irait à la guerre pour lutter sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec pour seul objectif d'obtenir le butin. Ou alors une personne qui apprend la science dans le but d'obtenir une certaine notoriété ou une fonction. Ou encore une personne qui fait le pèlerinage ou la umra dans le but de gagner de l'argent, et ainsi de suite. Cette intention, elle relève donc du polythéisme mineur, comme on va le voir à travers les versets et le hadith que l'auteur rahimahullah ta'ala nous a mentionné. Et ce qu'on voit dans ce chapitre, cette intention, elle est semblable à l'ostentation quant au fait que ces deux intentions sont pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'elles relèvent toutes deux du shirk caché, du polythéisme caché qui se trouve dans le cœur et qui n'est pas apparent. Toutefois, elles sont différentes du fait que celui qui fait de l'ostentation, il recherche par cela les compliments des gens. Quant à celui-ci, celui dont il est question dans ce chapitre, il recherche un bien de ce bas monde. Mais bien que leurs intentions soient différentes, ils sont tous les deux perdants auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, car ils lui ont tous deux donné des associés dans leurs intentions, en recherchant à travers leurs œuvres autre que le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le shir rahimahullah ta'ala, il a commencé par mentionner les versets 15 et 16 de surat Hud, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Man kana yuridu al-hayata al-dunya wa zinataha, nuwaffi ilayhim a'malahum fiha, wa hum fiha la yubkhasoon. » أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Ceux qui veulent la vie présente avec sa parure, nous les rétribuerons pleinement pour leurs actions dans ce bas monde, sans que rien ne leur en soit diminué. Ceux-là sont ceux qui n'ont dans l'au-delà rien d'autre que le feu. Ce qu'ils auront fait ici-bas sera vain, et nul était ce qu'ils œuvraient. On voit donc clairement dans ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde contre le fait de rechercher les biens de la vie présente, à travers les œuvres que l'on se doit d'accomplir exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit donc, « Man kana yuridu al-hayata al-dunya » Ceux qui veulent la vie présente, la vie de ce bas monde, c'est-à-dire ceux qui accomplissent des bonnes œuvres, parmi les adorations, avec pour intention d'obtenir des biens vils de ce bas monde. Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha, ceux qui veulent la vie présente ainsi que sa parure. La parure de ce bas monde, c'est quoi? Ce sont les biens et les enfants, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat al-Kahf. Al-mal wal-banun zinatul hayati ad-dunya. Les biens et les enfants sont la parure de ce bas monde. Donc ceux qui recherchent cela à travers leurs actes d'adoration, qui doivent être accomplis pour rechercher l'au-delà, pour rechercher ce qui se trouve auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala leur dit « Nuwaffi ilayhim a'malahum fiha, wa hum fiha la yubkhasun. » Nous leur rétribuerons pleinement pour leurs actions dans ce bas monde, sans que rien ne leur en soit diminué. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donnera ce qu'ils désiraient. Ils obtiendront par leurs actions ce qu'ils recherchaient, si Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Et ceci, il ne faut pas penser que c'est un bien pour eux, mais c'est une manière de les conduire à leur perte. Et on retrouve à travers cela le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le célèbre hadith rapporté par le prince des croyants, Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, qui dit qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Les œuvres ne valent que par les intentions, et chacun d'entre vous sera rétribué en fonction de son intention. » Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un exemple très précis, il a donné l'exemple de la hijra. Il a dit « Celui dont l'émigration est vers Allah et son messager, alors son émigration sera comptée comme vers Allah et son messager, c'est-à-dire qu'il sera rétribué pour celle-ci. » Mais celui dont l'émigration est pour un bien de ce bas monde qu'il souhaite obtenir, ou une femme qu'il souhaite épouser, alors son émigration sera comptée vers ce pour quoi il a émigré. Il n'aura aucune rétribution pour celle-ci. Et il en est de même pour l'ensemble des œuvres de bien. À partir du moment où l'intention de la personne est d'obtenir un bien de ce bas monde, alors elle sera rétribuée comme telle. Celui qui apprend le Coran avec pour seul objectif d'être salarié en tant qu'imam, alors il atteindra son but si Allah le veut. Mais dans l'au-delà, il ne sera pas rétribué pour cela. De la même manière, celui qui apprend la science pour pouvoir devenir enseignant, non pas dans le but de propager la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais car le métier d'enseignant est bien rémunéré. Alors celui-ci également, il atteindra peut-être son but. Il aura ce qu'il désirait ici-bas, mais il sera rétribué en fonction de cela. Et il n'aura aucune récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala si telle est son intention. Tu dois donc prendre garde à ce que tes adorations ne soient vouées qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et à travers celles-ci, tu ne dois pas avoir comme objectif d'atteindre des biens mondains parmi les biens vils de ce bas monde. Et celui dont telle est l'intention, en plus d'être privé de toute bonne rétribution dans l'au-delà, il se peut qu'il n'obtienne même pas ce qu'il désirait dans ce bas monde. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset 18 de Surat al-Isra, « Man kana yuridu al-ajila, ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. » Quiconque désire la vie présente, c'est-à-dire qui œuvre pour obtenir les biens de ce bas monde, alors nous donnons rapidement ce que nous voulons à qui nous voulons. Les gens de science ont dit que cela signifie qu'il se peut qu'en plus d'être privé de rétribution dans l'au-delà, il n'obtienne même pas ce qu'il désirait ici-bas. Il sera donc perdant ici-bas et dans l'au-delà. Donc ceci nous encourage à purifier nos intentions et à ne rechercher à travers nos adorations que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et la récompense de l'au-delà. Ensuite il dit subhanahu wa ta'ala, « Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. » Ceux-là sont ceux qui n'ont dans l'au-delà rien d'autre que le feu. Allah subhanahu wa ta'ala nous explique donc quelle sera leur sanction. Il nous dit dans le verset précédent qu'ils auront ce qu'ils voulaient de ce bas monde. Mais dans l'au-delà, ils seront privés de la récompense. Parce qu'ils ne recherchaient pas par leurs adorations la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne recherchaient pas l'au-delà. Ils ont voulu la vie présente, ils ont eu la vie présente. Celui qui émigre pour un bien de ce bas monde, qui émigre pour se marier, peut-être qu'il atteindra ce but. Mais si telle est son intention, il n'aura aucune récompense dans l'au-delà. Car dans l'au-delà, ne sera rétribué en bien que celui qui était sincère, qui accomplissait ses adorations pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui recherchait à travers celle-ci la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa récompense dans l'au-delà. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 19 de Surat al-Isra, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Et ceux qui recherchent l'au-delà et fournissent les efforts qui y mènent, c'est-à-dire qu'ils accomplissent des bonnes œuvres, des œuvres qu'ils vouent exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et dans lesquelles ils se conforment à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui recherchent l'au-delà et fournissent les efforts qui y mènent, tout en étant croyants, car celui qui n'est pas croyant, qui est mécréant, aucune œuvre n'est acceptée de lui. Donc ceux qui sont croyants et qui font les efforts nécessaires pour atteindre la récompense de l'au-delà, الله سبحانه وتعالى nous dit فأولئك كان سعيهم مشكورا. Alors l'effort de cela sera reconnu. Ils auront leur pleine récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à ceux qui ont voulu le bas monde, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا. Et ce qu'ils auront fait ici-bas sera vain. C'est-à-dire dans l'au-delà, les œuvres qu'ils ont accomplies pour cette dunya, elles seront vaines. Ils ne seront pas récompensés pour celles-ci. وَبَاطِلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et nul était ce qu'ils œuvraient. Leurs œuvres dans ce bas monde, elles étaient nulles. Ce n'étaient pas des œuvres correctes et justes, et c'est pour cela qu'elles seront vaines dans l'au-delà, et qu'ils n'en auront aucune récompense. On voit donc à travers ces versets une mise en garde évidente contre le fait de rechercher les biens de ce bas monde à travers l'accomplissement des œuvres qui ne doivent être accomplies que pour rechercher l'au-delà. Et ce car cela relève du polythéisme, c'est du polythéisme dans l'intention, du polythéisme qui est caché. Et c'est pour cela que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné ces versets dans ce chapitre, et qu'il a mentionné ce chapitre dans Kitab al-Tawhid. Car cette intention, elle s'oppose à la perfection du Tawhid. Celui qui œuvre pour ce bas monde, qui ne recherche pas l'au-delà, alors il n'y a pas de doute que celui-ci, son Tawhid est affaibli, car il a commis du polythéisme mineur. Certes, il ne sort pas de la religion de l'islam, mais il est en grand danger, et il lui incombe de se repentir, de se réformer et de purifier ses intentions. On voit également à travers ces versets que le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde des biens de ce bas monde à certaines personnes, cela ne signifie pas qu'il est satisfait d'elles. Car Allah subhanahu wa ta'ala donne de ce bas monde aux croyants comme aux mécréants. Car ce bas monde, il ne vaut pas auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala ne serait-ce que l'aile d'un moustique. Et si ce bas monde avait une valeur, alors Allah subhanahu wa ta'ala n'aurait rien accordé aux mécréants, ne serait-ce qu'une gorgée d'eau. Donc le fait qu'une personne soit comblée de nombreux bienfaits parmi les bienfaits mondains, qu'il soit riche, en bonne santé, qu'il ait une multitude de biens matériels en abondance, ceci ne signifie pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de lui. Au contraire, il se peut même qu'il fasse partie de ceux les plus détestés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et inversement, le fait qu'une personne soit privée des biens de ce bas monde, une personne soit pauvre, dans la difficulté, cela ne signifie pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas satisfait d'elle. Car le croyant, il se peut qu'il soit éprouvé par cela dans ce bas monde, qu'il n'ait pas beaucoup de biens, pas beaucoup de richesses, mais qu'il fasse partie des serviteurs les plus aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les biens de ce bas monde, ce n'est pas une chose qui nous permet de savoir si Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait d'une personne ou non. Et on voit également dans ces versets un bénéfice très important, qui est que ce que l'on doit prendre en considération, ce n'est pas seulement l'apparence de nos œuvres, mais ce qui est pris en considération, c'est l'intention que l'on a lorsque l'on accomplit ses œuvres. Si l'intention est bonne, qu'elle est sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors cette œuvre est une œuvre pieuse, inshallah ta'ala, à condition bien sûr qu'elle soit conforme à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais si l'intention est mauvaise, qu'elle n'est pas vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, que la personne n'est pas sincère, alors son œuvre est rejetée, même si en apparence c'est une œuvre pieuse, même s'il s'est conformé à tout ce qu'a légiféré le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en apparence. À partir du moment où son intention est mauvaise, son œuvre n'est pas bonne. Donc tu ne dois pas t'arrêter aux apparences. Bien sûr, il est important que tu te conformes à la sunna, car cela est une condition d'acceptation de tes œuvres. Mais tu dois également donner une grande importance à ton intention et à ce qu'elle soit vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il se peut qu'une personne fasse un nombre considérable d'œuvres, qu'il prie chaque nuit, qu'il jeûne chaque jour, qu'il fasse des aumônes de manière abondante, mais que tout ceci n'ait aucune valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en raison de ses mauvaises intentions. Et inversement, il se peut qu'une personne fasse un minimum d'œuvres en accomplissant ses obligations et en ajoutant à cela certaines œuvres qu'il accomplisse sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Celui-ci, il se peut qu'il fasse une petite aumône, ne serait-ce qu'une pièce, 1 ou 2 euros qu'il donne en sadaqa, avec pour intention sincère de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il obtienne pour cette aumône une rétribution immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu ne dois pas seulement prendre en considération l'apparence des œuvres ou leur quantité ou leur montant, ainsi de suite. Mais tu dois prendre en considération ton intention. Et ne mépriser aucune œuvre parmi les œuvres de bien si elle est accomplie sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith authentique rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala, protégez-vous du feu, ne serait-ce que par la moitié d'une date donnée en aumône. Et celui qui ne trouve pas, alors par une bonne parole. L'œuvre qui est sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, aussi minime soit-elle, elle est immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et inversement, il se peut que l'œuvre soit grande en apparence, mais que son bénéfice soit moindre, ou qu'elle n'ait aucun bénéfice et que la personne n'en tire aucun profit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, en raison de quoi? En raison de sa mauvaise intention. Médite à ce sujet sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit dans un hadith rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala, Allah ne regarde pas vos apparences et vos biens, mais il ne regarde que vos cœurs et vos œuvres. Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il regarde, ce n'est pas nos apparences ou nos richesses, mais il regarde nos cœurs. Est-ce que nos intentions sont bonnes? Il regarde nos œuvres. Et c'est cela qui est pris en considération auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en fonction de cela, tu seras rétribué. Donc ceci est un point important à retenir, que ce n'est pas seulement l'apparence de l'œuvre qu'il faut prendre en considération, mais toujours se rappeler que c'est en fonction de ton intention que tu seras rétribué pour cette œuvre. Les actes ne valent que par leurs intentions, et chacun d'entre vous sera rétribué en fonction de son intention. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, a mentionné un hadith à ce sujet, il a dit. Et dans l'authentique, c'est-à-dire ici l'authentique de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, d'après Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, que périsse le serviteur du dinar, c'est-à-dire les pièces d'or. Que périsse le serviteur du dirham, les pièces d'argent. Que périsse le serviteur de l'étoffe, des beaux vêtements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il invoque ici contre ces personnes et les qualifie de serviteurs de ces biens de ce bas monde. Les beaux vêtements, l'or, l'argent et autres choses semblables. Il les qualifie donc de serviteurs à ces choses. Pourquoi? Car ils œuvrent pour les obtenir, au point de devenir esclaves et serviteurs de ces choses, serviteurs de l'argent, serviteurs des biens vils de ce bas monde, et ce en raison de la place qu'occupe la dunya dans leur cœur. Ce qui est visé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, ce sont ceux dont les œuvres ont pour objectif les biens de ce bas monde. Ils œuvrent pour obtenir de l'or, pour obtenir de l'argent, pour obtenir de beaux vêtements, pour obtenir d'autres choses semblables comme une belle maison, une belle voiture, et ainsi de suite, au point de devenir un serviteur de cette dunya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a qualifiés dans ce hadith de serviteurs, abd, et il invoque contre eux en disant qu'ils périssent. Ceci est donc une menace sévère de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam contre le fait de rechercher les biens vils de ce bas monde à travers tes œuvres, afin de ne pas devenir un serviteur de l'argent, un serviteur de ce bas monde. Mais tu te dois d'être un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, en recherchant à travers tes œuvres la satisfaction et la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi que se doit d'être le croyant, et non pas sans cesse chercher à obtenir les biens de ce bas monde, à courir après eux, à sacrifier sa religion au profit de ce bas monde. La chose la plus capitale que tu possèdes, c'est ta religion. Et comme l'ont dit certains parmi les pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, si tu dois mettre en péril une chose, ne mets pas en péril ta religion, car c'est la chose la plus capitale que tu possèdes, la plus importante. Donc comment faire prévaloir les biens vils de ce bas monde à ta religion et à la récompense éternelle qui est promise aux pieux dans l'au-delà? Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné les caractéristiques de ce serviteur de l'or et de l'argent. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, si on lui donne, c'est-à-dire si on lui donne des biens de ce bas monde, parmi ceux qu'il a mentionnés dans le hadith, il est satisfait. Et si on ne lui donne pas, il est en colère. Telle est la caractéristique de celui qui œuvre pour ce bas monde. Lorsqu'il obtient ce qu'il désire parmi les biens de ce bas monde, il est heureux, il est satisfait. Et lorsqu'il en est privé, il est en colère. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit au verset 58 de Sourate At-Tawbah au sujet des hypocrites. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ. Et parmi eux, parmi les hypocrites, Il y en a qui te critiquent au sujet des aumônes. فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. Si on leur en donne, ils sont satisfaits, et si on ne leur donne pas, les voilà pris de colère. Telle est la caractéristique des hypocrites. Quant au croyant, si on lui donne, il est reconnaissant, et si on ne lui donne pas, il est patient et il n'est pas pris de colère. Car ses œuvres, il les accomplit pour Allah subhanahu wa ta'ala, non pas pour obtenir ce bas monde. Il y en a même certains parmi les croyants qui aimeraient qu'on ne leur donne rien parmi les biens de ce bas monde. En effet, certains compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ils ne voulaient rien parmi les biens de ce bas monde. Et ils ne demandaient rien. Pourquoi? Car ils ne voulaient que l'au-delà. Et ils avaient peur que les bienfaits qu'ils se voyaient octroyer dans ce bas monde soient une cause de privation des bienfaits dans l'au-delà. Et ils voulaient que leur récompense leur soit accordée pleinement dans l'au-delà. Et ils ne souhaitaient pas obtenir ici-bas la récompense de leurs bonnes actions. Médite à ce sujet sur le verset 20 de Sourate Al-Ahqaf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ. Et le jour où ceux qui ont mécru seront présentés au feu. On leur dira: أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا. Vous avez dissipé vos délices durant votre vie d'ici-bas, et en avez joui pleinement. C'est-à-dire que le mécréant, s'il accomplit certaines œuvres parmi les œuvres de bienfaisance, Allah subhanahu wa ta'ala les rétribue pour cela dans ce bas monde. Mais dans l'au-delà, ils n'auront rien du tout. Il leur sera donc dit lorsqu'ils seront présentés au feu: vous avez dissipé vos délices durant votre vie et vous en avez joui pleinement. فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ. On vous rétribue donc aujourd'hui du châtiment avilissant en raison de l'orgueil dont vous vous enfliez injustement sur terre. Et pour votre perversité. Donc les Sahaba, radiyallahu ta'ala anhum, ils avaient peur de dissiper leurs délices durant leur vie d'ici-bas. C'est pour cela qu'ils ne réclamaient pas ce bas monde. Mais si on leur donnait, sans qu'ils le recherchent, sans qu'ils le convoitent, sans qu'ils le réclament, alors ils prenaient ce qui leur était accordé. Et c'est ainsi que doit être le croyant. Si on lui donne, il est reconnaissant, et si on ne lui donne pas, il patiente. Et il espère sa récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela lui est égal qu'il obtienne des biens parmi les biens de ce bas monde ou non, car il sait que, aussi pauvre soit-il, cela ne diminue en rien de la récompense de ses œuvres auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il patiente sur cette situation. Il n'est pas pris de colère, contrairement à celui qui est un serviteur de ce bas monde. S'il en est privé, il sera en colère. Et si on lui donne, il sera satisfait, comme il est venu dans ce hadith. Et c'est pour cela que l'auteur, rahimahullah ta'ala, l'a mentionné dans ce chapitre. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les a qualifiés comme étant des serviteurs de ces choses. Alors que ce sont des croyants, ce sont des musulmans. Mais, à partir du moment où ils ont accompli certaines œuvres, en recherchant ces biens parmi les biens vils de ce bas monde, ils sont alors devenus serviteurs de ces choses qu'ils recherchaient. Et cette servitude, elle relève du polythéisme, c'est-à-dire du polythéisme mineur. Cela ne fait pas sortir de l'islam, mais cela affaiblit son tawhid, affaiblit sa foi et le rend coupable d'un grave péché auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il continue d'invoquer contre lui et il dit qu'il périsse et qu'il rechute. C'est-à-dire à chaque fois qu'il approche de la guérison, que la maladie revienne à lui. Puis il dit, sallallahu alayhi wa sallam, et s'il est piqué, qu'il ne puisse pas extraire l'épine. Il invoque pour lui pour qu'il soit atteint d'une faiblesse de sorte à ce que si une épine se plante dans sa main ou dans son pied, il ne puisse pas l'extraire. Et ce en guise de sanction, en raison du fait qu'il œuvre pour ce bas monde. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré la différence entre celui-ci et celui qui œuvre pour l'au-delà. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam: Touba à un serviteur qui saisit le harnais de son cheval dans le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Touba, les gens de science ont mentionné que c'est un nom du paradis ou alors le nom d'un arbre au paradis. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il invoque en faveur de la personne qu'il va mentionner pour qu'il fasse partie des gens du paradis. Il dit Touba à un serviteur qui saisit le harnais de son cheval sur le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire celui qui se tient prêt à lutter sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il aime lutter sur le sentier de son Seigneur. Il ne recherche pas le repos et les biens de ce bas monde, mais il recherche ce qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il n'attend que l'occasion de pouvoir œuvrer. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le décrit en disant « Les cheveux ébouriffés et les pieds pleins de poussière ». Ceci est donc la première des caractéristiques de celui qui lutte sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, les cheveux ébouriffés, les pieds pleins de poussière, il ne tient pas compte de son apparence. Mais il est préoccupé par ce qui est bien plus noble que cela. Ensuite, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, si on le place dans la garde, alors il est dans la garde. Et si on le place à l'arrière des troupes, alors il est à l'arrière des troupes. Si le chef de l'armée, ou les détenteurs de l'autorité, le place à une fonction au sein de l'armée, cela lui est égal. Il obéit à son ordre et ne cherche pas à avoir une place plus aisée ou plus reposante qu'une autre, mais il se place là où on lui a ordonné, car il sait que quelle que soit la place à laquelle il se trouve, son intention sera toujours la même et c'est d'obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne cherche pas à se mettre en avant. Même si on le place à l'arrière des troupes, il est satisfait. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit toujours à son sujet, s'il demande une permission, on ne lui donne pas. Et s'il intercède en faveur de quelqu'un, son intercession n'est pas acceptée. Qu'est-ce que cela signifie? S'il demande une permission, on ne lui donne pas. Et s'il intercède en faveur de quelqu'un, on n'accepte pas son intercession. Cela signifie qu'il n'est pas connu parmi les gens. Il n'a pas cherché à se mettre en avant, il n'aime pas cela. Il n'aime pas les compliments, il n'aime pas les éloges. Au contraire, il veille à rester discret. Car il œuvre pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et étant donné qu'il n'est pas connu, qu'il n'a pas de notoriété, alors, s'il demande une permission, elle ne lui sera pas accordée. Et s'il intercède, son intercession ne sera pas acceptée. C'est-à-dire, il n'est pas connu des gouverneurs, il n'est pas connu des gens importants. Donc, il n'a pas la capacité de pouvoir servir d'intermédiaire entre les gens dans ce bas monde. Mais ceci ne lui nuit en rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car ce qui lui importe, c'est d'obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a la ferme conviction qu'Allah le voit, qu'Allah sait qui il est, qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait parfaitement ce qu'il œuvre, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait parfaitement quelles sont ses intentions. Donc, cela ne lui nuit en rien de ne pas être connu parmi les gens. On voit donc dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit ce croyant en résumé par quatre caractéristiques. La première est qu'il est toujours prêt pour lutter sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala car il désire cela. La deuxième est qu'il ne passe pas son temps à se préoccuper de son apparence, de sa coiffure, de ses cheveux ou autres, mais il se préoccupe des œuvres qui le rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième caractéristique, c'est que cela lui est égal l'œuvre qui lui est confiée. Peu importe qu'il soit à l'avant ou à l'arrière des troupes, car il œuvre pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'œuvre pas pour se montrer, ou pour qu'on le voie, ou pour qu'on dise qu'il est courageux ou autre, mais il œuvre pour obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la quatrième caractéristique, c'est qu'il n'est pas connu auprès des gens à grande notoriété, comme les dirigeants, les détenteurs de l'autorité, et ainsi de suite. Et c'est pour cela que, s'il demande la permission d'entrer auprès d'eux, on ne lui accordera pas. Et s'il intercède, son intercession ne sera pas acceptée. Il ne peut pas servir d'intermédiaire étant donné qu'il est inconnu auprès des gens. Et on voit à travers cela le mérite de ne pas se mettre en avant et d'être discret, notamment dans l'accomplissement de tes œuvres de bien. On voit donc à travers ce hadith ce que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a voulu nous démontrer et qui est que le musulman se doit de ne rechercher à travers ses œuvres que le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu ne dois pas te préoccuper des choses de ce bas monde que tu pourrais obtenir. Mais tu œuvres sincèrement et exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si les biens de ce bas monde te sont octroyés, alors tu es reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu en es privé, alors tu fais preuve de patience et espères la récompense qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu prends garde à ne pas être de ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a qualifié comme étant des serviteurs de l'or et de l'argent. Ceux qui ont fait prévaloir les biens de ce bas monde au point d'en devenir les esclaves, wal'iyadu billah. Et comme on a dit, ceci relève du polythéisme mineur, qui ne fait pas sortir le croyant de la religion, mais pour lequel il se trouve en grand danger, et on demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous en préserver. Avant de terminer ce chapitre, j'aimerais juste attirer votre attention sur un point très important, afin qu'il n'y ait pas de confusion. Le fait que le musulman ne doit pas rechercher les biens de ce bas monde à travers ses œuvres qu'il accomplit pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci signifie que son intention, cela doit être d'obtenir la récompense de l'au-delà. Mais dans certaines situations, il n'y a aucune gêne à ce qu'il tire des bénéfices mondains de certaines actions, comme c'est le cas de l'imam qui est salarié dans une mosquée afin de pouvoir se tenir disponible pour diriger les 5 prières aux musulmans. Et il n'y a pas de gêne en cela, inshallah ta'ala. Son objectif, lorsqu'il prie, c'est de prier pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à celui dont l'objectif est le salaire, alors c'est de celui-ci dont il est question dans ce chapitre. Et il en est de même concernant les enseignants de Coran, et ainsi de suite parmi les choses que l'on accomplit par recherche de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui dont l'intention est sincère, alors il n'y a pas de gêne en cela, inshallah ta'ala. Mais celui dont les bénéfices mondains sont l'intention première, alors celui-ci est en danger, et il tombe ainsi dans le polythéisme mineur en raison de sa mauvaise intention. Ceci est un point important à préciser, afin qu'après la lecture de ce chapitre, certaines personnes n'aillent pas accuser certains de nos frères et sœurs qui obtiennent parfois, pour certaines de leurs œuvres, un salaire qui leur permet de pouvoir se libérer et consacrer leur temps aux musulmans. Il faut donc prendre garde, lorsque l'on étudie ce genre de chapitre, à ne pas chercher à les mettre en application sur autre que soi-même. Mais lorsque tu lis ces textes, cela est une mise en garde pour ta propre personne en priorité. L'objectif premier est de te corriger, et non pas d'aller inspecter les œuvres de tes frères et sœurs. Car comme on a dit, le polythéisme dont il est question ici, c'est un polythéisme dans l'intention. Il se trouve dans le cœur, et il n'est pas apparent, il ne peut pas être vu par les gens. On a donc terminé avec ce chapitre. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouter. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.